Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Les états généraux de la communication et des médias se sont ouverts ce jeudi à Gitega. Vous entendrez la déclaration du vice-président de la République qui a fait le déplacement. Et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme organise depuis ce mercredi un atelier de sensibilisation des officiers de la police judiciaire de la région Ouest sur la lutte contre la détention illégale. Notre envoyé spécial nous dira que le travail de ces auxiliaires de la justice est entravé par des défis divers. Et à l'occasion de la Journée internationale de l'enseignant de français ce 24 novembre, des enseignants de la province scolaire de Kayanza suggèrent le retour du concours national après la sixième année et l'augmentation des séances de français au poste fondamental afin de relever le niveau du français chez les apprenants. Vous les entendrez. En actualité sous-régionale, un accord a été trouvé ce mercredi pour un cessez-le-feu immédiat dès vendredi 18h dans l'est de la République démocratique du Congo à l'issue d'un mini-sommet à Luanda. Les rebelles du M23 qui ont repris les armes fin 2021 ont pris du terrain en avançant sur Goma aujourd'hui. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour. Le manque de moyens pour le déplacement, l'insuffisance de matériel de bureau, l'inadéquation des lieux de détention, voilà quelques défis du travail des officiers de police judiciaire. Des révélations faites lors d'un atelier organisé ce mercredi par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, atelier de sensibilisation des officiers de la police judiciaire de la région Ouest sur la lutte contre la détention illégale. Un des conférenciers a suggéré à l'État de disponibiliser les ressources humaines et du matériel suffisant pour le bon fonctionnement de ces auxiliaires de justice. Moïse Misago, reportage. Selon les données du commissariat général de la police judiciaire, 80% de ce corps est constitué par des jeunes. Une situation qui engendre le manque d'expérience. Un autre défi évoqué par les officiers de la police judiciaire, c'est l'inadéquation des lieux de détention. Dans certains endroits, il n'y a pas de séparation des lieux de détention des adultes et des mineurs. Je peux dire... Premièrement, les locaux qui ne sont pas suffisants parce qu'en détention légale, il faut que les dames soient séparées des hommes, les mineurs pénalement responsables soient séparés des hommes adultes. Pour ce défi, alors, dans plusieurs zones ou communes, il n'y a pas de locaux suffisants pour séparer ces gens. Le second défi, je peux dire, les matériels de bureau, plus particulièrement les feuilles, les registres. À part ces défis, les études faites montrent l'intrusion à laquelle s'ajoute la corruption. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que c'est vrai parce que, aujourd'hui, le service de la police judiciaire est un service qui est très sollicité par beaucoup de personnes. D'où il y a quelqu'un qui va se prendre sans être dans la vérité. Le lieutenant-colonel de police Pierre Mourikier, expert qui a exposé sur les défis majeurs auxquels se heurte la police judiciaire du Burundi, trouve que l'administration communale peut aider à résoudre certains défis. Il invite l'État et ses partenaires à apporter des solutions à ces défis pour un bon fonctionnement de la police judiciaire et ainsi défendre les droits des demandeurs des services des officiers de la police judiciaire. La région Ouest, qui est composée par les provinces de Bobanza, Cibitoke, Bujumbura et Muramvya, comprend 275 officiers de la police judiciaire selon les données du commissariat général de la police judiciaire de novembre et courant. Près de la moitié se trouve dans la municipalité de Bujumbura. Depuis Cibitoke, au nord-ouest du Burundi, Moïse Misago pour la radio Isanganiro. Merci Moïse Misago, je venais de vous le dire. Il s'est ouvert ce jeudi à Gitega, les états généraux de la communication et des médias. L'occasion pour le vice-président de la République, Prosper Bazombanza, dans sa déclaration d'ouverture de ses assises, de regretter que les contextes politiques ont fait que certaines radios aient dû fermer, alors que des journalistes ont également dû fuir le pays. Un regret pour lui. Il a demandé aux professionnels des médias de travailler dans le respect de l'éthique et de la déontologie du métier. On écoute cet extrait de sa déclaration. Le travail des médias durant ces 10 dernières années a connu des hauts et des bas. Il faut vraiment qu'on l'accepte. Bien qu'on ne peut pas ignorer les avancées enregistrées, on doit cependant se rappeler aussi qu'il est né ou qu'il a existé des médias qui ont failli à leur mission principale d'informer et d'éduquer correctement la population. Ces médias ont tombé ou carrément basculé dans des combats pour la conquête du pouvoir et de façon le moins démocratique. Et cela a entravé de façon générale une méfiance entre les pouvoirs publics et les médias. Le gouvernement reconnaît aussi le travail professionnel accompli par les médias dans différents événements nationaux. Le gouvernement du Burundi reconnaît le rôle des médias dans le développement intégral du Burundi, surtout le gouvernement baptisé travailleurs laborieux responsables. Je demande donc aux journalistes de travailler toujours avec professionnalisme et de servir aux Burundais des informations qui les aident à se forger leur bien-être. Les médias doivent profiter de cette nouvelle écologie de l'information mise en place par le gouvernement pour être de bons guides de la société burundaise. Certains enseignants de français au cycle fondamental en province Kayanza voient que faire passer le concours national aux élèves après la sixième année serait l'une des stratégies pour relever le niveau du français chez les élèves. Des enseignants au poste fondamental de leur côté disent que la chute du niveau de français chez les apprenants est aggravée par la diminution des heures de cours, de ce cours. Ils demandent au ministère ayant l'éducation dans ses attributions de consulter les enseignants de français afin d'échanger sur des stratégies à mettre en œuvre pour redresser la situation. C'est en micro-baladeur de la rédaction réalisée à l'occasion de la journée internationale de l'enseignant du français ce 24 novembre. Ces enseignants se sont confiés à notre correspondant dans Patrick Saint-Guillaume. Le niveau réel de nos apprenants ne correspond pas au niveau attendu. Le constat est là, il est malheureux. Les causes que je veux vous donner sont hypothétiques, ce sont des sentiments. On peut parler du statut du français même actuellement ici chez nous. Celui qui écrit, qui parle, qui lit français n'est pas très valorisé au niveau de la hiérarchie sociale, ce qui peut être une cause de démotivation chez l'enseignant et aussi chez l'apprenant. Deuxième hypothèse, c'est qu'il y a un écart entre la formation initiale des enseignants et ce qu'on attend de lui à partir du moment où il est sur le terrain. Les méthodes qu'il a apprises à l'école ne sont pas celles qui sont recommandées quand il est sur le terrain. Troisième hypothèse, le nombre d'heures a baissé. Il faut d'abord réfléchir à la façon de valoriser les locuteurs, les lecteurs, les scripteurs en français. Les élèves disent qu'ils ne comprennent rien de cette langue. Au niveau de l'orthographe, de l'accord et de la conjugaison, c'est également un très grand problème. Même pour des verbes ou bien pour des mots supposés les plus élémentaires, les enseignants alors pensent que c'est problèmes liés à l'apprentissage et à la maîtrise de cette langue prennent origine à l'école fondamentale. Là, on apprend que quand il faut faire avancer les élèves, il faut faire avancer 85%, mais c'est-à-dire dans ces 85%, il y en a parmi eux un nombre important de ceux-là qui sont incapables. Il faudrait que dans les écoles, on y introduise encore la notion de littérature. Aussi, il faudrait encourager les élèves à lire les romans. Peut-être le niveau en français pourra encore une fois se relever. Comme on le voit aujourd'hui, le cours de français semble tellement difficile pour les élèves d'aujourd'hui, que ce soit en grammaire et en vocabulaire. Les élèves aussi d'aujourd'hui négligent beaucoup le cours de français, mais ils sous-estiment eux-mêmes quand ils s'expriment dans ce cours de français. Ils n'y mettent pas de force pour en savoir plus dans ce cours. Il faut qu'on instaure des centres de lecture, des bibliothèques, ainsi que des clubs de français dans les écoles, des séances de poésie, sont aussi à encourager. Des enseignants de la province scolaire de Kayanza au micro-baladeur de notre correspondant Patrick Nsengiyumba. De Kayanza, cap maintenant sur Tchankouzo. La route nationale numéro 13 reliant la province de Tchankouzo à la Tanzanie est en train d'être réhabilitée par l'agence routière du Burundi. Les conducteurs et passagers qui s'attendaient aux travaux de bitumage se disent tout de même satisfaits parce que cette route allait être impraticable. Le conseil du gouverneur chargé du développement précise que ce sont des travaux de capacité compactage, du gravier et d'entretien des canalisations qui seront entrepris par cette agence routière et selon lui, cela va faciliter les échanges. Raymond Moudende. Cette route en cours de réparation est la route nationale numéro 13 reliée à la province de Changuzo à la Tanzanie passant par la commune Mishiha. Les usagers de cette route parlent des nids de poules un peu partout, tandis que l'absence de canalisation fait que les eaux de pluie, les rôdent, d'où encore une fois, cette route se détériore. Les chauffeurs de taxi, voitures et motos, et même les passagers qui s'attendaient aux travaux de bitumage de cette route, se disent tout de même satisfaits de cette réhabilitation. Pour les chauffeurs, les travaux de réparation de cette route vont épargner les yeux de les voitures, tandis que pour les passagers, ils songent déjà à la diminution du ticket de voyage. Bilhani Ferdinand, conseiller chargé du développement en province Changuzo, dit que les travaux en cours concernent seulement le compactage du gravier et l'entretien des canalisations. Lui aussi parle des atouts de cette réhabilitation qui va multiplier les échanges commerciaux entre la Tanzanie et Changuzo. De Changuzo à la frontière tanzano-burundaise, il s'agit de 50 km qui seront réhabilités. Depuis Changuzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond. Et en actualité sous-régional, la cessation des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO à partir de ce vendredi est une des décisions prises ce mercredi lors d'un mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région orientale de la République démocratique du Congo. Cela ressort d'un communiqué sanctionnant ce sommet de Luanda en Angola. Il insiste que tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'est de la RDC et la région doit également cesser. Le compte-rendu de lecture avec Vestine Routoy. À l'invitation de Juniao Manuel Lorenzo, président de la République d'Angola, champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, le mini-sommet de Luanda avait l'objectif principal d'établir un calendrier de mise en œuvre des actions prioritaires en vue de la cessation des hostilités et du retrait immédiat du M23 des localités congolaises occupées et de la coordination des opérations de Luanda et du processus de Nairobi. Selon le communiqué sorti à la fin du dit mini-sommet, des décisions ont été prises, entre autres la cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO à partir du vendredi le 25 de ce mois à 18h, la poursuite du déploiement complet de la force régionale de l'EAC, le retrait du M23 des zones occupées et retour à ses positions initiales à Sabini au côté RDC, sous le contrôle des FARDC, de la force régionale et du mécanisme ad hoc en collaboration avec la MONUSCO. La création d'une zone tempo avec l'appui de la MONUSCO, du mécanisme de vérification ad hoc et de la force régionale de l'EAC, comme prévu dans le cadre de la réunion des chefs d'état-major général de l'EAC tenue à Bujumbura le 8 de ce mois. La cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'est de la RDC et la région. Les FDLR, FOCA, Red Tawara, ADF et les autres groupes armés opérant sur le territoire congolais doivent immédiatement déposer les armes et entamer leur rapatriement inconditionnel conformément aux termes du processus de Nairobi avec le soutien de la MONUSCO, du mécanisme ad hoc de vérification et de la force régionale EAC. Le désarmement et cantonnement du M23 en territoire congolais sous contrôle des FARDC, de la force régionale et du mécanisme ad hoc de vérification avec la collaboration de la MONUSCO. La reprise du dialogue bilatéral entre la RDC et le Rwanda en vue de la normalisation des relations diplomatiques et de la reprise de coopération. Le mini-sommet s'est déroulé en présence d'Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est, Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères rwandais, qui a représenté Paul Kagame, président de ce pays, Antoine Félix Tshisekedi, président de la RDC, et Uhuru Kenyatta, ancien président de la République et Kenya et facilitateur. Le communiqué conclut que les chefs d'État sont convenus de se retrouver prochainement à Bujumbura pour évaluer la mise en œuvre des conclusions, des résolutions et des recommandations de ce mini-sommet de Luanda. Actualité internationale. Et dans le reste de l'actualité africaine et internationale, les trois responsables de la Chambre de commerce du Mali ont été inculpés et écroués ce mercredi à Bamako pour atteinte aux biens publics en lien avec la gestion d'un fonds anti-Covid-19 d'environ 15 millions d'euros. Les trois personnes placées en détention sont Youssouf Batili, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, le secrétaire général de cette institution, Cheikh Oumar Camara, et le comptable Lamine Sako, affirmé à l'AFP, une source au tribunal de la commune 3 de Bamako. Et hors du continent, cela fait 9 mois que la Russie a envahi l'Ukraine. L'électricité a été progressivement rétablie ce 24 novembre dans de nombreuses villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev, au lendemain d'intenses bombardements russes sur les infrastructures énergétiques du pays. Mais la situation reste critique dans plusieurs régions et les établissements de santé fonctionnent difficilement. Selon les analystes, l'hiver, c'est la nouvelle arme des Russes contre les Ukrainiens. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous séparer, un rapide rappel des titres. Les états généraux de la communication et des médias au Burundi se sont ouverts ce jeudi à Gitega en présence du vice-président de la République, Prosper Bazoumbanza. Et à l'occasion de la journée internationale de l'enseignant de français ce 24 novembre, des enseignants de la province scolaire de Kayanza suggèrent le retour du concours national après la 6e année et l'augmentation des séances de français au poste fondamental afin de relever le niveau du français chez les apprenants. En actualité, ce régional, vous venez de le suivre, un accord a été trouvé ce mercredi pour un cessez-le-feu immédiat dès vendredi à 18h. Demain donc, dans l'est de la République démocratique du Congo. Accord à l'issue d'un mini-sommet à Luanda. Sachez que les rebelles du M23 qui ont repris les armes fin 2021 ont pris du terrain en avançant sur Goma. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un très bon après-midi.